souvent rêvé d'une solitude, loin de ce monde sur une île déserte, pensant que le changement de latitude est salutaire. Mais si je n'ai personne à qui parler, il peut briller tous les soleils de l'été, mes batteries ne tarderont pas à se décharger. J'ai besoin d'un sourire, de quelqu'un qui respire. J'ai besoin d'un fil conducteur, branché sur le secteur. Je démarre à 100 à l'heure, d'une décharge en plein cœur. J'ai passé des nuits d'orage à la à mon bien-être animal. Quand j'ai croisé son regard électrique, mon cœur a bien failli disjoncter. Dans ma tête, je crois bien que quelque chose